Bismillah والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فcette nuit, la nuit du 14 du mois de Jumad al-Oula de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le troisième cours de notre série de cours sur le commentaire du livre Lumière sur la voie Tijan de Sheikh al-Allama Abdurrahman ibn Yusuf Al-Ifriqi rahmahullahu ta'ala. Nous entamerons aujourd'hui l'introduction de Shir dans son livre, de même que le premier chapitre. Ce livre qui est un livre concis, résumé, dans lequel Shir, après son introduction, a détaillé les méfaits de l'innovation en religion de manière générale, et l'importance de se cramponner à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci pour commencer son argumentaire, dans lequel il démontra la nullité, la caducité de cette voie soufie, la voie tidjane, de même que l'ensemble des voies soufies, de même que toute voie qui n'est pas la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et de nos pieux prédécesseurs, ridwanallahi alayhim ajma'in. Puis il termina le livre en rapportant 10 croyances et pratiques propres à la voie Tijan, ceci d'après leur livre de référence, tout en réfutant chacune de ces croyances et pratiques. Avant de commencer la lecture de cet ouvrage, Ayyuha al-Ikhwa, j'ai voulu vous rapporter ici, en introduction à cette assise, certaines paroles des Tijan suivies de paroles de gens de science, des gens de la sunna, sur cette voie Tijan. Premièrement, ces paroles de ces Tijan, où va-t-on les chercher ? Fait partie de la minutie du Salafi, celui qui suit cette voie bénie, d'être pointilleux lorsqu'il rapporte des informations. Et lorsque le savant ou l'étudiant en sciences désire réfuter une voix, un groupe ou une personne, il lui convient d'aller chercher les paroles et les écrits de cette personne, et non de rapporter ce qu'il a pu entendre. Ceci tout en rappelant que l'attestation ou le témoignage de certaines personnes est quelque chose qui est à prendre en compte, qui est à prendre en compte et qui est valide, de même que ce qui est notoire de la personne, ce qui est rapporté de lui de manière mutawatir, donc quelque chose qui est notoire d'une personne, ceci aussi tient compte de preuves contre cette personne. Mais ce que je veux mettre en avant ici, c'est que lorsque le Salafi parle dans sa religion, il se doit d'être minutieux. Il se doit d'être minutieux lorsqu'il prend la science, comme je l'ai évoqué dans les cours précédents, de même lorsqu'il donne la science, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il prend une information, de même lorsqu'il la rapporte, il se doit d'être minutieux. Et les savants du hadith ont rapporté des règles et posé des règles qui régissent l'acceptation d'une information. À quel moment l'information sera acceptée et à quel moment elle sera rejetée. Et c'est ce que nous étudions dans la science de la terminologie du hadith, Mustalahul Hadith, qui est une science que nous avons étudiée les trois dernières semaines, Walillah alhamd, à la mosquée. Et les cours sont disponibles sur la chaîne Ahlul Dhikr, de même que sur le site, les frères les ont mis à disposition. Ce qui est voulu ici, Barakallahu fikum, c'est que la personne doit être minutieuse. Et nous voyons que Cheikh Abdurrahman Al-Ifriqi ici, dans son livre, comme je viens de le dire, apporte ses paroles, ou rapporte ses paroles, des livres de référence des Tijan. Des livres de référence des Tijan, comme nous le verrons dans les cours prochains. De même, et entre parenthèses, ceci est très important, cette chose, le fait de regarder dans ses livres des gens de l'innovation, n'appartient pas à n'importe quelle personne. C'est-à-dire que La personne parmi les gens de la masse des musulmans ne doit pas ouvrir ses livres, regarder dans ses livres, rechercher les preuves dans ses livres de la non-viabilité de ses voies. Plutôt, la personne parmi les gens de la masse, elle est ammi parmi les musulmans. Celui-là suit les savants de la sunna qui sont connus et reconnus pour leur viabilité dans leur religion et dans leur voie qu'ils empruntent. De même que pour leur attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur rejet de toute innovation. Donc cette personne parmi la masse des musulmans suit les savants de la sunna et il se contentera de cela. Il ne devra pas, sous aucun prétexte, ouvrir les livres des gens de l'innovation. Ouvrir les livres des gens de l'innovation. Une erreur dans laquelle tombent beaucoup de nos frères et sœurs, ils pensent être minutieux dans cela, alors que la minutie ne vient pas d'ici. La minutie, pour la personne des gens de la masse, revient à prendre la science des savants de la sunna, qui sont connus et reconnus pour leur viabilité dans leur religion, de leur manhaj. Cela lui suffit. Plutôt, il se met en danger, en grand danger, pour lui et sa religion, au moment où il désirera regarder dans les livres des gens de l'innovation ou écouter les paroles des gens de l'innovation en pensant dans cela être minutieux, en pensant dans cela être impartial, être juste. Il désire écouter des deux côtés et pas seulement ce qui réfute. Mais ceci est une grande erreur, car à partir du moment où tu as confiance en ces savants de la sunna, et qu'ils sont connus et reconnus par autre que parmi les savants, comme étant des gens viables et des gens de bonnes mœurs, de bonne religion, il te conviendra de prendre leur parole. Et c'est ce que nous comprenons de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. « Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu » Ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une nouvelle, une information, enquérissez-vous de la véracité de cette information. Éclaircissez la véracité de cette information. Ce que nous comprenons, comme le dit Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir et autres que lui, c'est que lorsqu'une personne parmi les gens qui sont perverses, connue pour leur perversion, de même que la personne qui est inconnue, al-majhoul, rapporte une information, tu te dois de t'enquérir de la véracité de cette information. Et ce que nous comprenons donc, c'est que si une personne te vient avec une information, une personne qui est connue pour la viabilité de sa religion et de sa voie, cette personne-là, tu ne rechercheras pas à t'enquérir de l'information. Ceci est l'ordre de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, dans ce verset de Surat al-Hujurat. Donc, comme je l'ai dit, fait partie de la minutie du Salafi qu'il prend les paroles lorsqu'il fait une réfutation, il prend les paroles directement à la source. Comme l'a fait Al-Shir Abdurrahman Al-Ifriqi, ici, rahimahullah, comme nous allons le voir dans le livre, lorsqu'il rapporte à la fin de son livre les 10 croyances et pratiques innovées de la voie Tijan, et lorsqu'il réfute ces dernières. Ici, en introduction au cours, je voulais vous rapporter quelques-unes de leurs paroles que je prendrai directement sur leur site officiel. Car vous le savez, de nos jours, les informations sont disponibles via Internet, comme le cours que je dispense ici, par l'intermédiaire d'Internet. Donc toutes les informations sont disponibles via Internet. Nous trouvons que la voie Tijan a un site officiel. Ce site officiel avec la bénédiction, comme ils le disent, je lis directement sur le site, avec la bénédiction et la coopération de la noble famille Tijani dans le monde. C'est un site officiel agréé par les têtes des Tijan. Je ne vais pas m'attarder sur le site. Simplement, ces paroles que je vais vous rapporter, comme celles que j'ai rapportées de Cheikh Mohammed Taqiddin Al-Hilali Al-Maghribi, rahimahullahu ta'ala, la semaine dernière, lorsque j'ai évoqué des passages de sa vie et de sa réforme et de sa sortie de la voie Tijan, si vous vous rappelez, lorsque ce dernier évoquait comment est-il rentré dans la voie Tijan, quelles sont les conditions d'entrée et plusieurs des pratiques innovées qui lui ont été enseignées lorsqu'il est rentré dans cette voie. Ici, je rapporterai certaines de ses pratiques et certaines de ses paroles afin que nous comprenions que cette voie Tijan, comme l'ensemble des voies soufis, n'est pas présente que dans les livres des gens de la sunna, dans leur réfutation, et qu'il concerne un petit nombre de personnes, un petit groupe. Plutôt, ces innovations sont répandues, très répandues. La voie Tijan est une des voies soufis qui rassemble le plus d'adeptes dans le monde aujourd'hui, parmi les voies soufis bien sûr. Et comme je l'ai évoqué dans les cours précédents, la voie Tidjan, comme la voie Al-Shaviliya, Tariq Al-Shaviliya, Al-Tariqatu Al-Shaviliya, Al-Tariqatu Tijaniya, Al-Tariqatu Al-Qadiyaniya. Ces trois voies sont les voies les plus répandues en Afrique. Ces trois voies sont les voies les plus répandues en Afrique. Et la voie Tidjan dans le monde est très répandue, comme je viens de le dire. Donc sachez que cette chose-là, le fait de parler, de mettre en garde contre ces voies innovées, ces innovations et leurs leaders, n'est pas une chose qui sert simplement à passer le temps et à parler, à médire, comme certains le prétendent, sur telle ou telle personne. Plutôt, c'est une obligation religieuse qui incombe à une partie de la communauté, les savants et les étudiants en sciences. De même qu'il incombe à chaque personne selon sa possibilité. Lorsque tu t'assois dans ces cours et que tu étudies ce que Cheikh Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi rahimahullah ta'ala dit dans son livre, de même que ces paroles que je rapporte, tu devras les mettre en pratique si tu te trouves confronté à une situation où quelqu'un parmi tes proches, parmi tes voisins, parmi les gens que tu peux appeler à la sunna sont éprouvés par ce genre d'innovation. Ceci selon des conditions qui ont été évoquées par les gens de science. Ici donc sur ce site, je me contenterai de rappeler certains points. Premier point, nous trouvons sur le site une chose qui m'a interpellé et que pour le public francophone ici, le public français en particulier, est une chose importante. Comme je l'ai dit, je rapporte ces paroles pour vous montrer que ce n'est pas une chose inventée, c'est-à-dire le fait qu'il y a des adeptes de cette voie et des gens qui sont tombés dans ces innovations et des gens qui sont tombés dans cet égarement, ce n'est pas une infime partie ou quelque chose qui est inventé ou quelque chose qui se trouve dans certains pays éloignés ou dans certains endroits en dehors d'autres et c'est quelque chose qui ne nous touche pas. Plutôt, peut-être beaucoup de personnes d'entre nous ont des gens de sa famille qui sont touchés par les voies soufis. Et comme je l'ai dit, la voie Tidjan est une grande voie soufie qui rassemble beaucoup d'adeptes dans le monde aujourd'hui. Ce qui m'a interpellé déjà sur la première page du site, nous voyons une vidéo de dhikr en assemblée. Donc ce qu'ils appelaient le wadifa, comme on l'a évoqué la semaine dernière de la parole de Cheikh Mohamed Taqi Din al-Hilali, et de l'hadra. L'hadra soufiya, quelque chose qui est connu, qui est un dhikr en assemblée. Et vous le savez, de faire le dhikr en assemblée est une innovation religieuse. Ceci n'est pas permis. Ici, en particulier, lorsque les voix soufis rapportent des adhkars, comme on l'a évoqué la semaine dernière, qu'ils appellent wird, lorsqu'ils rapportent des awrad, qui est le pluriel de wird, innovés et inventés, et en particulier, et ceci est une caractéristique principale de la voix Tidjan, comme je l'ai évoqué dans les cours précédents, des dhikr, des adhkars, des awrad, qu'ils prétendent être meilleurs que le Coran, que le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la meilleure des paroles. La parole de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Ici, ce qui m'a interpellé, comme je vous l'ai dit, nous trouvons une vidéo de ce dhikr en assemblée, la hadra du vendredi, à la Zawiya Tijaniya El-Kubra, à Lyon, en France. Donc c'est quelque chose qui est loin de nous, qui est éloigné, qui se trouve dans certains endroits en dehors d'autres. À Lyon, en France. Zawiya Tijaniya El-Kubra, la grande Zawiya Tijan, à Lyon, en France. Ils se prennent en vidéo et ils font ce dhikr en assemblée. Deuxièmement, sur leur site officiel, vous trouvez les conditions de la tariqa tijaniya, de la voie tijan, ces conditions d'acceptation ou d'entrée dans la voie. Parmi ces conditions, je ne les lirai pas toutes. La première, ne pas avoir d'autre voie avec celle-là tout au long de sa vie. Deuxième chose, se limiter dans la visite des saints vivants ou morts à ceux limités par l'autorisation de Sidi Ahmed Tijani, mais en préservant la sacralité et le respect de tous les saints. Vous vous rappelez, le père de Cheikh Mohamed Taqi Din al-Hilali avait évoqué cela, avait dit que si la voie Tidjan n'interdisait pas la visite des autres saints, autres que ceux de la voie Tidjan, il serait rentré lui-même dans la voie Tidjan, mais il ne pouvait pas délaisser la visite de son grand-père qui était un saint. Bien sûr, comme vous le savez, la visite de ces saints, de ces mausolées, est une chose qui est interdite et qui peut tendre vers l'association. Et nous y viendrons plus tard. Ils disent ensuite l'assiduité à accomplir les oraisons jusqu'à la mort sans jamais les abandonner. Les oraisons, ce qu'ils appellent les oraisons ici, sont prises sous le statut du vœu pieux. C'est-à-dire que tu dois faire un pacte d'allégeance, pour résumer. Un pacte d'allégeance, c'est ça qu'ils appellent un vœu pieux, mais ici c'est en réalité un pacte d'allégeance. Par ce biais, les actes surérogatoires ont la valeur des actes obligatoires. Allahu Akbar. Par ce biais, les actes surérogatoires ont la valeur des actes obligatoires. Allahu Akbar. Et autre que cela, parmi les innovations et égarements de cette voie, parmi cela, la continuité dans l'amour envers Sidi Ahmed Tijani, sans rupture. Se préserver de toute critique à l'égard de Sidi Ahmed Tijani. La croyance ferme en Sidi Ahmed Tijani, la croyance ferme en Sidi Ahmed Tijani et en ses propos, car elles suivent le livre et la sunna. Allahu Akbar. Ils nous donnent ici eux-mêmes la manière de les réfuter. Ils nous disent donc que les paroles de Sidi Ahmed Tijani suivent le Coran et la Sunna. Venez, rapportons les paroles de Sidi Ahmed Tijani et mettons-les dans les balances, dans la balance du livre et de la Sunna, comme vous le prétendez. Je ne m'attarderai pas sur cela. Ici, il rappelle aussi les ouvrages principaux de la tariqa. Je les avais déjà évoqués la semaine dernière. Jawahir al-Ma'ani, Kashf al-Hijab, Bouriyat al-Mustafid. Et ils sont disponibles. Ici, une autre chose qui interpelle, vous avez une catégorie qui traite des lieux bénis de la voie Tijani. Catégorie, lieux bénis de la voie Tijani, les lieux saints, les lieux bénis. Quels sont-ils? Le premier, le village de Ain, Allahu A'lam comment ça se prononce, Ain Mahdi ou Ain Mahdi, Allahu A'lam, en Algérie. Le deuxième, le village d'Abou Semroun en Algérie. Le village d'Abou Semroun en Algérie. La troisième, ou le troisième lieu béni, lieu saint, la ville de Fès au Maroc. Voyons, cherchons un autre lieu saint. Allahu Akbar, pas d'autres lieux saints. Ces trois lieux sont les lieux saints de la voie Tijani. Où se trouve Mecca ou Medina dans la voie, chez la voie Tijani? Où se trouvent ces lieux qui sont les lieux saints des musulmans? Allahu Akbar. On ne trouve pas leur évocation ici. Et autre que cela, parmi les égarements de cette secte que vous trouvez d'après leurs paroles sur ce site officiel, ce site vers lequel je ne vous renvoie pas, et je vous mets en garde de rentrer dessus. Barakallahu fikoum. Parmi les paroles des gens de science sur la voie Tijani, nous trouvons des paroles de grands savants qui ont vécu proches de personnes appartenant à cette voie. Parmi ces grands savants, nous trouvons Al-Allama Abdelhamid Ibn Badis Al-Jazairi Rahimahullahu Ta'ala, de même que Al-Sheikh Mubarak Al-Mili Rahimahullahu Azza wa Jal Al-Jazairi, de même que Al-Sheikh Mohamed Nasser Al-Din Al-Albani Rahimahullahu Azza wa Jal. Et je rapporterai juste une parole aussi de Al-Lajnatu Da'ima, une parole importante sur le Wird de la voie Tijani. Ceci avant de commencer l'introduction de Sheikh, la lecture de l'introduction de Al-Sheikh Rahimahullah Ta'ala. Nous trouvons que Al-Sheikh Abdelhamid Ibn Badis Al-Jazairi Rahimahullah Azza wa Jal Al-Allama a dit, dans le sens de ses paroles, la voie Tijani est composée de personnes importantes parmi les fonctionnaires, les chanteurs, les commerçants, et cette dernière, donc la voie Tijani, par leur intermédiaire et autres, ont fait une publicité qui arriva jusqu'à Paris. Et Cheikh de nous dire qu'en vérité, elle est plus présente dans la ville de Marrakech au Maroc plutôt qu'en Algérie. Nous trouvons aussi que Cheikh nous dit que Tijaniya, la voie Tijani, n'est pas comme le reste des voies soufis. Elle est une innovation et un égarement dans l'islam. Une plus grande innovation, un plus grand égarement dans l'islam. Plutôt, elle est un anéantissement explicite de l'islam et un ennemi de notre religion. Allahu Akbar. Naam. Puis Cheikh de dire, dans une autre de ses paroles, c'est pour ça que la voie Tijani, dans le sens de ses paroles, c'est pour ça que la voie Tijani est, d'après les gens de science, de les suiveurs de la sunna et du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils ont estimé que cette voie, la voie Tijani, était comme une mosquée de nuisance, Masjid al-Dirar, contre l'islam. Allah Azza wa Jal dit à propos de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est le sceau des messagers. Et eux, les Tijani, disent à propos de Al-Sheikh Tijani, qu'il est le sceau, et qu'il est la dernière pierre de l'édifice des bien-aimés, des rapprochés d'Allah Azzawajal, l'Awliya. Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah Azzawajal, nous dit que At-Tijaniya, la voie Tijan, est la pire des voies soufis. Et c'est elle qui a permis à la colonisation française de coloniser l'Algérie. Ceci est quelque chose qui est connu. C'est-à-dire que ces gens-là étaient les soufis, de manière générale, et ici en l'occurrence les Tijan, étaient des gens qui s'alliaient aux colons et qui les aidaient à rentrer dans les terres d'islam, ceci par l'intermédiaire de pactes qu'ils faisaient avec eux afin de pouvoir propager leurs égarements par l'intermédiaire de ces colons. C'est-à-dire qu'ils prenaient un pacte auprès de des colons qui rentraient dans les terres d'islam afin que ces derniers propagent leur voix. Pourquoi tu penses que des colons qui viennent coloniser une terre, qui sont contre la religion des gens de cette terre, en l'occurrence ici l'islam, vont autoriser ce genre de pratique? Parce que eux-mêmes se rendent compte que ce genre de pratique n'est pas un danger pour eux et est un danger pour l'islam même. Cheikh Mubarak Al-Milli, rahimahullah, dans son livre Al-Shirku wa Madahiruhu, qui est un livre très bénéfique, dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, et combien de cheikhs de voix soufis, combien d'entre eux il fut rapporté que ces derniers prétendent de garantir le paradis pour celui qui les voit, de même que pour celui qui voit ceux qui les ont vus. Ceci jusqu'à 3, jusqu'à même 7 générations après eux. C'est-à-dire que les cheikhs des voix soufis qui prétendent que celui qui les a vus, celui-là, le fait qu'il les a vus, juste qu'il les a vus, on ne parle pas d'œuvre, qu'il les a vus, celui-là sera promis au paradis, leur promet le paradis, leur garantit le paradis, du fait qu'ils les ont vus, simplement. De même que ceux qui ont vu ceux qui les ont vus, et ceci jusqu'à 3, voire 7 générations. Puis, cher de dire que le jour de An-Nadra, de la vision, de la vue, est connu chez les Tijan. Puis il dit que Cheikh Ahmed ibn Salim a réuni ses bien-aimés, c'est-à-dire ses suiveurs dans cette voie. Donc Cheikh Ahmed ibn Salim, qui faisait partie des têtes des Tijan, dans un désert de Wahran, de Oran, et autre que Oran, donc dans plusieurs endroits différents. Et hein, voilà, et là nous retrouvons cet endroit, et il s'est arrêté à Ain Madi. Donc c'était Ain Madi. Il s'est arrêté à Ain Madi et il a mis sur sa tête un gros morceau d'or. Un gros morceau d'or ou un lingot d'or, un gros lingot d'or sur sa tête afin d'être vu, afin d'être aperçu. Puis il appela. Au milieu de cette foule, il les appela et il leur garantit le paradis pour celui qui les a vus, ceci jusqu'à 7 générations après lui. Allahu Akbar. Et comme il le dit ici, Cheikh Mubarak Al-Milli, rahimahullah, ceci est quelque chose de connu chez At-Tijan. Je commencerai ici la parole de Cheikh Abdurrahman Al-Ifriqi dans l'introduction de son livre Lumière sur la voie Tijan. Il dit, rahimahullah ta'ala, bismillahi rahmani rahim. Allah a dit, dans le sens de ses paroles, tabaraka wa ta'ala, et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa. Puis il dit, rahimahullah, la raison de l'écriture de ce livre. Ici, le cheikh nous évoque la raison pour laquelle il écrivit cette épître concise et profitable. Il dit, sache, ô toi le musulman, qu'il ne convient pas à l'incapable de s'embarquer sur une monture difficile, excepté s'il n'a pas pu trouver d'autre moyen que celui-ci. Alors qu'il demande l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car véritablement, il est celui qui aide. En effet, une révision scientifique eut lieu entre un groupe de frères et moi-même. C'est-à-dire que Cheikh s'assit avec un groupe de frères et ils révisèrent la science. Jusqu'à ce que nous abordions l'innovation. Le sujet de l'innovation, le bid'a. Je dis alors, tout ce qui n'est pas une religion chez les premiers croyants ne sera pas aujourd'hui une religion authentique. Tout ce qui n'était pas une religion à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas une religion aujourd'hui. Ils réclamèrent de moi la preuve de cela, en particulier celle de la réprobation des gens de la Sunna envers la voie Tidjane. Quand je m'aperçus que la question m'était destinée, je me suis immiscé sous l'ombre des savants. Ici, c'est une manière dont Shir a d'être humble dans cette parole. Shir, qui était un grand savant, comme je l'ai évoqué la semaine dernière ou la semaine d'avant, dans le cours précédent, dans l'évocation du concile, de sa biographie. Rahimahullah ta'ala, il dit avec humilité, « Je me suis immiscé sous l'ombre des savants, de la sunna, en rapportant leurs paroles dans l'exégèse de certains versets et hadiths qui blâment l'innovation et ses partisans. Je me suis immiscé sous l'ombre des savants, comme si lui n'en faisait pas partie alors qu'il faisait partie des grands savants. Rahmatullahi alayh. » Ceci fait partie de son humilité et de l'humilité de nos savants, les savants de la sunna. Rahimahumullah wa hafidha al-ahya'a minhum. Il dit, rahimahullah, je dis, comme a dit le savant du hadith, le savantissime Shir Muhammad ibn Abdul Aziz al-Farisi, Al-Jaliki, dans At-Tuhf al-Makkiya, les propos suivants. Il rapporta donc des vers de poésie dont le début, Al-Matla, est dans le sens approximatif de ces paroles. Il dit, je lui ai répondu favorablement en espérant la récompense, bien que je ne mérite pas cette place, s'immiscer entre les nobles savants, suivant leurs traces et leurs voies. Dans le sens, Shir rapporta ces vers de poésie pour illustrer sa voix empruntée dans l'écriture de cette épître et la réponse à ces personnes qui lui ont demandé de lui détailler ce qu'est la sunna, ce qu'est la bid'a et pourquoi les gens de la sunna réprouvent la secte Tidjane. Il dit ensuite, rahimahullah, autrement, je ne saurais m'attaquer ni m'élever à cette place culminante, la place de ce savant qui vient réfuter et qui vient prendre la place de ceux qui vient suivre les traces de ceux qui l'ont précédé dans la réfutation des gens de l'innovation et le secours de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit avec toute humilité, autrement je ne saurais m'attaquer ni m'élever à cette place culminante car je n'y ai jamais été apte ni même à une place inférieure à elle. Allahu Akbar. Rahimahullah ta'ala. Il dit ensuite, j'espère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il rendra cette épître vouée exclusivement à son noble visage bénéfique pour tous les frères croyants musulmans. Il est certes celui qui guide vers le droit chemin. Nous demandons la même chose que lui pour notre explication ici et notre assise entre nous, notre révision entre nous sur la demande de notre cheikh Abu Abdul Halim Muhammad Abdul Hadi Al-Jazairi Hafidhahullah ta'ala wa baraka fi juhudi, écrit par Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi. Puis il dit, rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, sallallahu alayhi wa sallam, louange à celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. J'atteste qu'il n'est de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé. À lui appartient la royauté et la louange, et il est capable de toute chose. Celui qui a dit dans son livre puissant, dans le sens de ses paroles, tabaraka wa ta'ala, et quiconque obéit à Allah et à son messager, et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récolteront le succès. Et j'atteste que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Celui sur qui il fit descendre, dans le sens de ses paroles, tabaraka wa ta'ala, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et ne rendez pas vaines vos œuvres. C'est-à-dire par votre contradiction. C'est-à-dire, ici, Ashir explique le verset et dit, en exégèse de ce dernier, il dit, c'est-à-dire, ne rendez pas vaines vos œuvres par votre contradiction de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il vous a tracé et par votre perpétration du blâmable et des innovations. Que les prières d'Allah soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur l'ensemble de ses proches et de ses compagnons jusqu'au jour de la rétribution. Ceci dit, amma ba'd, ici Ashir commence son épître, il dit, ô mon honorable frère, votre courrier m'est certes parvenu. Je l'ai lu et compris ce qu'il contenait. Je vous écris donc sa réponse, si Allah le Très-Haut le veut, et c'est de lui qu'on recherche l'aide.